Section 81 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Section 81, chapitre 19. Deuxième partie. Les premières années de Timour, par Léon Kaoun. État politique et religieux de la Transoxiane. De 1260 à 1360, en 100 ans, le royaume de Djagataï, comprenant nominalement, outre la Sibérie, le Turkestan et les Marches, n'a pas eu moins de 25 souverains. Fantômes de sultans. Ceux qui régnaient en réalité, c'étaient les chefs des quatre grandes maisons d'Arlad, de Barlas, de Djellaïr et d'Aïberdi, et les vizirs qu'ils imposaient aux faibles descendants de Djagataï. Tant que l'empereur de Pékin, à côté de son nom chinois, porta encore un nom mongol, les apparences furent sauvées, et les princes gengiscanides de la maison de Djagataï furent censés régner à la fois sur la Transoxiane musulmane, sur le Turkestan et sur les marches à demi-païennes. Avec la chute de la dynastie mongole en Chine, tout s'effondre. De l'Oxus aux marches, il ne reste plus debout que deux puissances, l'islam, représenté par les ordres religieux, et l'aristocratie militaire, par les grandes maisons turques et d'origine mongole, fiefé en Transoxiane. Cette noblesse arriérée, attachée par-dessus tout à ses traditions et à ses privilèges, regardait de moins près qu'elle ne le disait à la religion. Au fond, grands seigneurs et obereaux restaient turcs. Ils étaient turcs avant tout. Din Ahiri Kardashe, la foi à part des frères. Toujours disposés à se battre entre eux, ils n'entendaient point que la canaille iranienne, les Tadjiks, les Sartes, comme ils les appelaient, se mêlât de leurs querelles. Contre ces manants, ils se mettaient vite d'accord. Or, en 1330, un de ces manants eut l'audace de réveiller le vieil Iran endormi et se fit roi de Khorasan. Il s'appelait Hussein Kert. Il s'était posé en protecteur de la foi en danger, louvoyant entre les ordres religieux et la plèbe hérétique, défenseur naturel de ses parents par le sang et le langage, les bourgeois et les manants sartes, il avait vite gagné une popularité dans le Khorasan, foulé par les exactions turques, dans le Séistan et dans l'Afghanistan occidental, au pays des grands aventuriers, où le cœur iranien battait encore si vivace. Il se crut assez fort pour jouer son rôle de sultan populaire jusqu'en Transoxiane contre les obereaux turcs d'Arlad et d'Aïberdi. Il délogea ceux-ci de leur repère, avança sur Bokhara. De suite, toute la noblesse turque fit cause commune contre le Tadjik. Le sultan de la maison de Djagataï, Kazan, était trop loin pour se mêler de ces querelles entre gens du sud. Il chassait du côté d'Al-Malik, laissant les affaires de Transoxiane aux mains de son connétable et vizir, l'émir Kazgan, homme de petite maison, mais de grand renom, qui avait réussi à s'imposer par son audace et ses alliances. Djellaïr, Berlas, Arlad, tout le parti des obereaux, affolés, se jetèrent dans les bras de Kazgan. Il se mit à leur tête, étouffa la révolution démocratique naissante, bâtit Hüseyin Kert, elle le rejeta dans le Khorasan. 1333. Naissance de Timour. Cette même année, dans le faubourg aristocratique de Kek, qu'on appelait Sheker Issebz, la ville de verdure, le mardi soir, 13 du mois de Chaban, Timour venait au monde. Le père de Timour portait le titre d'émir. Il appartenait à la grande maison de Barlas, assez petit gentilhomme lui-même, hidalgo du lignage des Djagataï, de mince état, entretenant trois ou quatre chevaliers, clavige. il avait reçu à fief du vizir Kasgad la province de Kek et de Nakhchkeb en Transoxiane, au sud de Samarcande, sur la rive droite de l'Oxus, dans les marches de Khorasan. Le nom de son clan ou famille était Kereken, qui signifie le beau. Lui-même portait le vieux nom turc de Taragay ou Tourgay, c'est-à-dire l'alouette. Si les maisons d'Arlad, de Djelahir, de Soldouz sont sûrement d'origine mongole, si l'usage s'est introduit de donner l'épithète de Mongol aux empires fondés par Timur, puis, dans l'Hindoustan, par Baaber, la maison de Barlas semble plutôt d'origine turque. D'ailleurs, au XIVe siècle, les clans issus de ces quatre maisons et établis en Transoxiane et en Turkestan étaient entièrement turcs par la langue, par l'esprit et par la confession de foi musulmane orthodoxe. Autant qu'à la même époque, les Normands établis en Angleterre étaient devenus anglais. Ce serait la même erreur de prendre Timur pour un Mongol que le prince noir pour un Français. Premières armes de Timur. Dans la situation troublée de la Transoxiane, toujours menacée au sud par Hussein Kert, resté maître en Khorasan, au nord par ses propres sultans, prince famélique, heureux de trouver prétexte à révolte dans leurs états du sud pour rançonner les bonnes villes, le tout-puissant Kasgan parut à tous un sauveur. L'aristocratie militaire turque, bien pourvue entre Oxus et Yaxartès, la bourgeoisie sarte et les vieilles familles iraniennes, qui avaient formé une noblesse de robe et d'église, l'appuyaient également. En 1343, il se révolta ouvertement contre Kazan, le battit, et, le souverain mort, il resta le maître. Toutefois, le loyalisme turc lui liait les mains. Lui-même fit proclamer un autre Jagatayd. Mais à la première velléité d'indépendance, il le fit assassiner et le remplaça par un autre. Cela jusqu'à 5 fois. Pendant que Kasgan faisait et défaisait les rois, Hussein Kert, qui guettait sa revanche, reprit les armes. En 1358, Kasgan réunit tous ses contingents transoxianais et les conduisit contre l'Iranien et les hérétiques jusqu'au cœur du Khorasan. Parmi les seigneurs qui chevauchaient avec l'armée, on remarquait ce jeune gentilhomme de la maison de Barlas, Messire Timur, fils de l'émir Taragay. Bien qu'il n'eût que 22 ans, le faiseur de roi Kasgan le tenait en grande estime, tant à cause de ses mérites personnels que pour sa naissance et sa puissante parenté, car Messire Timur était le modèle du gentilhomme accompli, tel que le rêvaient les Turcs de son temps et de son pays, parfait en toute chevalerie et courtoisie. « Dès l'âge de 12 ans, dit-il dans son autobiographie, je croyais trouver en moi les marques de la sagesse et de la grandeur, et je recevais quiconque venait me voir avec une affectation de hauteur et de dignité. Dans ma 18e année, je n'étais pas médiocrement entiché de mes apertises en chevalerie et en vénerie. Je passais mon temps à lire les livres de piété, à jouer aux échecs et à m'exercer à toutes armes. Sans doute, avec le Coran et les livres de dévotion, le jeune Timur avait lu quelques romans, quelques gestes si populaires dans son pays, le Sahin Bator, le bon chevalier, en turc, le Shahnameh, le livre des rois, en persan. En 2 ans, au service du tout-puissant vizir auquel l'avait attaché son père, ce hautain jeune homme avait vu défaire un sultan, introniser un autre. Il avait compris quel ascendant un audacieux pouvait prendre sur les grands vassaux de Transoxiane, entre leurs suzerains de Turkestan et leurs ennemis de Khorasan et de Perse. Des Barlas, il était le maître par droit de naissance. Kasgan lui-même l'avait allié au Djelahir, en le mariant à sa petite fille, la princesse Oljaï Turkan, une Djelahir par sa mère. Il l'avait associée au gouvernement militaire en le faisant Mingbashi, capitaine d'une compagnie de 1000 hommes d'armes. Lorsque, après la victoire sur Hussein Kert, le faiseur de roi fut assassiné par un de ses vassaux, tous, les djélaïrs comme les autres, dans le trouble où les jetait la mort du vizir, tournèrent les yeux vers le jeune prince, si brillant en toute chevalerie, qui savait déjà donner audience avec tant d'autorité. Le poids d'honneur turc obligeait la famille de Kazgan à tirer vengeance du meurtre. Timur en faisait partie par son mariage avec Oldjaï. Sa première démarche, même avant de recueillir l'héritage de son père, fut de rejoindre son beau-frère, Hussein, et de marcher avec lui contre les alliés du meurtrier. C'était agir en féal gentilhomme, et c'était aussi affirmer ses droits dans la succession de Kazgan. Dans ce monde féodal, personne ne s'y trompa. Lorsque, débarrassé de son terrible vizir, le sultan légitime Tughluq Timur, le seul qui ait eu quelque énergie et un peu de sens politique parmi ses derniers Jagatides, voulut profiter de l'occasion et rétablir son autorité, la transoxiane, effarée, remit son sort à la sagesse de ce chevalier de 23 ans, Timur. De suite, dans ce jeune homme, le politique se révéla. Au lieu de batailler, Timur prit conseil, combina, négocia. Guerre de Timur contre le sultan de Jagatai. La situation était terrible. Le sultan Tughluq marchait d'Al-Malik sur Samarcande avec une décision d'ancien mongol. Son armée lui était dévouée, composée de gens des marches ou tchétés, de sibériens, turcs, réactionnaires de la vieille roche à demi-païens, mongols réfractaires à l'islam, tous gens besogneux affirmés de pillage. À l'approche de la tourmente, les vassaux rebelles qui bataillaient contre Timur et son beau-frère avaient fait leur soumission au sultan légitime. Dans le parti de Kazgan, dans sa propre maison, le jeune chevalier ne trouvait que lâcheté et défection. Son oncle, Hadji Seyf el-Din Barlas, venait de s'enfuir en Khorasan. Bayezid le Djélaïr l'avait suivi. Lorsque Tughluq nous somma, moi et les émirs Hadji Barlas et Bayezid Djélaïr, de venir le trouver, ceux-ci me demandèrent avis. Je leur répondis, il y a deux avantages contre un seul péril à vous rendre auprès de Tughluq. Mais si vous fuyez en Khorasan, vous trouverez deux périls pour un avantage. Ils rejetèrent mon avis. J'avais les mains libres. Je consultai d'abord mon conseiller de conscience. C'était le copte Ab-Akab, Zid ed-Din Aboubaïk, pire, ou, comme nous dirions, grand prieur de l'ordre des soufis, que Timur fut plus tard Sardre, prince spirituel des musulmans. Du premier coup, Timur se jetait dans les bras de l'Église. À côté de Zin ed-Din, le légiste et canoniste Mir Seyd Sherif, prince des docteurs, et le grand maître, le deuxième fondateur de Naqishbendi, ces franciscains d'Asie, Khodja Bea ed-Din, que la transoxiane révérera comme son saint national, travaillèrent à la grandeur de ce jeune et pieux chevalier qui promettait d'être un jour le restaurateur de la foi. Entre ces quatre hommes, l'évêque, le docteur, le moine et le prince, le pacte se fit naturellement éteint jusqu'au bout. Le conseil pris, d'accord avec sa conscience et avec l'Église, Timur commença par acheter les généraux du sultan. Le sultan avait envoyé trois émirs. Je décidai d'aller les trouver et de leur offrir des sommes capables de les tenter et d'arrêter le dégât dans le royaume, jusqu'à mon arrivée auprès de Tughluq. Les trois émirs se laissèrent acheter. Où Timur avait-il pris l'argent? L'Église était riche et aussi les moines. L'islam avait ses efkaf, pluriel de vafouf, bien de main morte. C'était son trésor accumulé pour la défense de la foi et des fidèles. Ce fut, sans doute, la caisse noire où Timur puisa largement, avec l'autorisation de son conseil spirituel. Les gens de religion ne barguignèrent pas, car après avoir acheté les généraux de Tughluq devant le sultan lui-même, Timur ne pouvait pas se présenter les mains vides. Hardiment, il vint se mettre en son pouvoir, dans l'antre du tigre. De suite, il séduisit tout le monde par ses grandes manières, par l'allure des gens à sa suite et, probablement aussi, par ses libéralités. Ma puissance en imposa aux émirs. Leurs yeux furent éblouis. La magnificence de mes présents acheva de les gagner. Le khan accepta mes dons de bienvenue. Souvent, il me consultait, et toujours, il suivait mon avis. Les avis qu'il donnait à ce sultan, brutal financier de province, Timour les raconte avec sa hautaine désinvolture d'empereur, la conscience tranquille, en règle avec Dieu et l'État, qu'il a gouverné dans un intérêt supérieur. Ses avis, c'est une suite de perfidies. Il n'y a point dans ces trahisons dont il se vante d'hypocrisie ni de capitulation de conscience. C'est la morale d'un prince du XIVe siècle qui veut rétablir l'État et restaurer la foi. L'honneur féodal, le respect du pouvoir royal, le dévouement aux vassaux et compagnons ne reçoivent pas une atteinte. Avec une entière sincérité, Timour porte au sultan les craintes de ses sujets et de l'Église et lui dénonce les malversations de ses trois émirs qu'il a lui-même subornés. Le sultan les condamna sur le champ à rembourser les sommes qu'ils avaient extorquées au peuple. Il leur interdit l'entrée de la Transoxiane, leur retira le commandement et le remit à Hadji Barlas Mahmoud Saha. Un Hadji, donc un dévot. Un Barlas, c'est-à-dire un parent de Timour. Le résultat était inévitable. Les émirs, menacés de confiscation, courent droit à leurs terres pour les défendre, prennent la campagne dans leur pays des marches, comme eût fait tout bon gentilhomme français de leur temps, s'il eût été maltraité par le roi de France. Serrés de près, ils tentent une chevauchée sur les marches du Kipchak, pillent et brancardent pour subsister, et mettent le Kipchak à dos au sultan de Jagatai, qui ne peut ni renier ses vassaux, ni les contenir. Le sultan, troublé, retourna aux marches, c'est-à-dire à Khojend, en Fergana, pays de médiocres ressources. Timour, gouverneur de Transoxiane. Pour se maintenir, pour faire place aux Kipchak insurgés et aux vassaux révoltés, il fallait les revenus de l'inépuisable Transoxiane. Qui pouvait l'administrer mieux que ce jeune prince Timour, béni par l'Église, chéri par le peuple, si avisé au conseil, si hardi à la chevauchée, apparenté au Djedaïr, chef désigné des Barlas, vengeur du grand Kasgan. Le sultan me remit sa lieutenance en Transoxiane, avec le sceau et les diplômes y afférents, et le commandement de 10 000 hommes d'armes. Le tour était joué. Vastes ambitions de Timour. Maître en Transoxiane de par le roi, Timour sentait bien que la vraie lutte allait commencer. Il n'avait point les visées épiques qu'un Temujin. Toute sa vie, ce conquérant fut un roi bourgeois qui tint comptabilité de ses entreprises. Ce qu'il voulait à ce moment, c'était la Transoxiane, rien que la Transoxiane, mais à la condition qu'elle fût assurément à lui et à lui seul. Il voulait être le maître à Bokhara, à Samarcande, dans ses fiefs apanagés de Kek et de Nabchkek. Jusqu'au fleuve, écrit-il, et rien de plus. Le projet était déjà énorme, car une monarchie autonome installée en Transoxiane abolissait, de fait, le pacte autrefois conclu entre Tchingis Khan et tous les Turcs, tous les Mongols. C'était la fin du Saint-Empire, la reconstitution des États indépendants dans l'Asie, la liberté de reconstruire un empire autre que celui du Yazak, sur un plan nouveau. Cette énormité, Timour ne l'osa pas tout de suite. Sa loyauté de Turc s'effrayait d'un schisme national. Il feignit de dormir, les yeux fermés, l'oreille aux aguets, guettant l'occasion. Son conseiller spirituel lui avait écrit « La science de gouverner est faite d'une part de patience et de constance, et d'une part de négligence feinte. C'est l'art de paraître ignorer ce qu'on sait. Nous approchons du siècle de Machiavel, et l'Asie est en avance sur l'Europe. » Nouvelle lutte contre le sultan, Timour, champion de la foi et du peuple. Quand Toukluk vit son jeune lieutenant général tranché du maître, craignant un nouveau Kasgan, il eut l'idée, pour se garantir en Transoxiane, de donner le pays en apanage à son fils Ilyas Khodja. Timur eut l'art de feindre l'indifférence. Le sultan manquait à ses engagements. Il montait le gouvernement du royaume pour le remettre entre les mains de son fils, dont il me faisait capitaine et conseiller. Je me démis du gouvernement et j'acceptai la charge militaire. Il savait bien ce qu'il faisait. Les gens des marches, amenés par Ilyas, tout fiers de conduire sa première chevauchée royale, pillèrent, rançonnèrent, comme en pays conquis. L'Église protesta. Ils mirent au fer 70 séides. Fils de séides, Ilyas Khodja, sans autorité, ne pouvait ni contenir ses mécréants, ni les réprimer. Le moment était venu. J'avais, dit Timur, mon crédit à fonder. Je tombe sur les Ouzbègs, je délivre l'opprimé des mains de l'oppresseur. Timur, c'est le bon chevalier, le redresseur de tort, le protecteur du peuple, le défenseur de la religion, le gardien de l'Église, qui met pieusement en tête de ses actes Mine, Timur, Tangri, Kouli. Moi, Timur, serviteur de Dieu, le bon peuple l'acclame. Les moines à Cordelière, les Nakish Bendi, l'exaltent. Son canoniste lui écrit en l'appelant, en arabe, Aboul Mansour, le victorieux. Parmi ses hobereaux, parmi les routiers des marches eux-mêmes, les scrupules religieux s'éveillent. Ils ont peur d'être damnés. Mon expédition fit rébeller plusieurs capitaines d'Ilyas Khodja, voire des Ouzbègs. On écrivit à Toukluk que j'étais en révolte. Il le crut, envoya des ordres pour me faire mourir. On remit ses dépêches entre mes mains. Avec son impériale assurance, Timur intitule tranquillement cette histoire « Mon deuxième dessein ». Le point délicat pour un loyal gentilhomme comme Timur consistait à savoir s'il était, oui ou non, en rébellion contre son souverain légitime. La perte de l'honneur, le crime de forfaiture, la bassesse de félonie l'épouvantait. Dans son angoisse, il consulta les canonistes. L'Église trancha la question en excommuniant les gens des marches. Le décret, mis par écrit, était accompagné d'un formulaire par lequel les adhérents s'engageaient à Timur, dans la formule orthodoxe, répudiant le schisme chiite. Suivant l'exemple et la conduite des quatre califes légitimes, Dieu leur fasse miséricorde, les seigneurs et les gens du commun, les docteurs et les chefs de la loi promettent de donner leur fortune et leur vie pour chasser, bannir, vaincre et exterminer le parti des Ouzbègs, des tyrans qui portent la main non seulement sur les biens meubles et immeubles, mais sur l'honneur et les lois des fidèles. Nous jurons. Si nous violons le serment, puissions-nous perdre la protection de Dieu et tomber sous la domination de Satan. Le serment prêté, l'absolution en poche, chef de cette ligue du bien public, avoué de l'Église, béni par les moines, Timur était en règle. La politique avait assez fait de besogne et d'assez bonne. Dans ce cœur chevalereux, la passion de la bataille, de l'aventure, du roman, débordait. Il avait trop d'ennemis en Transoxiane pour être assuré de s'y maintenir. Il s'y connaissait assez d'amis pour être certain d'y rentrer, de haute lutte et victorieux. En un tour de main, il rassembla ses vassaux, ses tenanciers de la maison de Barlas, la poignée de gentilhommes et de soudards attachés à sa personne, mit sa femme en selle à côté de lui et gaiement, montant à cheval, céda la place à Ilyas Khodja et s'en alla tout droit au pays des grandes aventures, dans les montagnes du sud, pour batailler, pendant que l'Église travaillerait. Timur proscrit, chevalier errant et capitaine d'écorcheur. Le légitime souverain Jagataïd se crut maître du terrain. Depuis tant d'années, plus qu'à demi-autonome par la négligence de ses rois, l'insolente Transoxiane allait enfin rentrer dans l'ordre. De la hautaine maison de Barlas, il ne restait rien. Seyf el-Din s'était justicié, fuyant en Khorasan. Mahmoud Shah se soumettait, Timur se bannissait lui-même, des Djélaïr, il était à peine question. Le chef de la maison, Bayezid, avait suivi Seif ed-Din chez les hérétiques. S'était mis hors la loi. Il semblait que, malgré toute sa ferveur religieuse, la transoxiane turque restait attachée à ses souverains, à son yassak, au souvenir de la gloire que tant de ses enfants avaient partagée avec les Mongols. En installant son fils Ilyaz à Samarcande comme prince apanagé, Toukluk donnait, en somme, aux autonomistes transoxianais toutes les satisfactions qu'ils pouvaient désirer. Les vassaux en possession hésitaient, les ligueurs comme les autres, malgré leurs beaux serments. En vain, Timur les attendit dans la montagne, aux portes de Samarcande. Une semaine s'écoula et personne ne vint. Les conjurés eux-mêmes dénoncèrent le lieu du rendez-vous. Le sultan mit aux trousses du rebelle 1000 hommes d'armes, sous les ordres de Tekel Bahadur, avec mission de l'amener, mort ou vif. Rabattu des montagnes, coupé des marches de Khorasan, où il cherchait à se réfugier, le jeune chevalier n'avait plus de recours qu'en son épée. Autour de lui, une poignée de compagnons et de domestiques, son beau-frère, sa femme, ses compagnons, tous fleurs de courtoisie, lecteurs de romans de chevalerie comme le maître, et 26 ans dans le cœur. Timur envoya la politique au diable et se battit. Des 1000 cavaliers de Tekel, il n'en échappa que 50, et de mes 60, il n'en resta que 10, mais la victoire nous demeura. Le roman de cap et d'épée commençait. Pendant 3 ans, le futur conquérant mena noblement cette vie de vaillantise et de hasard, qui allait lui gagner les cœurs de la chevalerie dans la Transoxiane et jusque dans l'Iran, vaincre les défiances invétérées des hobereaux turcs contre les gens d'église et les robins. Dans cette vie d'aventure, tantôt héros de roman, tantôt capitaine d'écorcheur, pas un instant Timur n'oublia le pacte qu'il avait conclu avec les moines et le peuple de Transoxiane. Sa gloire est d'y être resté fidèle jusqu'au-delà du triomphe et de la toute-puissance, jusqu'à la dernière heure. Chevalier errant, conspirateur romanesque, conquérant de l'Asie, toujours il resta le roi de Transoxiane, le chef de la noblesse de Mavera Anhar, le dévot affilié des confréries, protecteur de ses moines de Bokhara, compère de ses aimés et féaux bourgeois de Samarcande. Échappé au hasard de sa bataille contre Tekel, abandonné par 3 compagnons félons qui lui ont enlevé ses 3 meilleurs roussins, chevauchant, sa femme en croupe, Timur tombe aux griffes d'un malandrin, détrousseur de gens, qui l'enferme dans le cachot de son donjon et le fait garder à vue. En bon chevalier, Timur épie les coupe-jarrets qui le gardent, saute à la gorge du plus méchant, le désarme et court, l'épée haute, à la chambre de son détrousseur, qu'il apostrophe en beau style de roman. Honteux de sa vilenie, ce châtelain balbutia, me fit des excuses, me rendit mes chevaux et mes armes. Don Quichotte eut admiré ce beau trait, mais combien plus encore celui qui vient après, où l'on reconnaît un vrai chevalier errant. Je m'enfonçai dans le désert. Le second jour, nous rencontrâmes quelques masures. Je mis pied à terre. Aussitôt, une bande de Turcomans fondit sur moi en criant « À la détrousse !» Je pensai d'abord à ma femme, je la jetai dans la masure derrière moi, puis je chargeai leurs troupes. Au premier coup, ils me reconnurent. L'un d'eux cria « C'est Timur !» et se jeta à mes pieds. J'acceptai son hommage d'une mine affable, je posai mon chaperon sur sa tête, et ces gens-là furent à moi. Peu à peu, la compagnie de Messire Timur grossissait. Par petites bandes, les aventuriers de Transoxiane, voire ceux de Khorasan, routiers sans emploi, gentilhommes mécontents, ambitieux en quête d'un patron, venaient le rejoindre. Il y en avait de Turcs et d'Iraniens aussi. On commençait à ne plus les distinguer. La confusion des noms qu'avait introduit le calendrier des saints musulmans effaçait la différence des origines, aidait à la fusion des races. Ce fut Mobarek Khan, un Tadjik, gouverneur d'une petite place qui vint d'abord. Avec lui, des séides, descendants du prophète, affiliés aux confréries pieuses, et des manants du pays. Quand le bon chevalier compta 200 braves autour de lui, il ne douta plus de rien. « Avançons vers Samarcande, leur dis-je. Je vous cacherai dans les villages autour de Bokhara. Moi, j'irai dans la banlieue de Samarcande. Je parlerai aux tribus, au peuple. Je les gagnerai. Je vous donnerai les signals. Nous tomberons ensemble sur les gens des marches, sur Ilyaz, et avec l'aide de Dieu, nous conquérerons la Transoxiane. » Nous récitâmes le premier chapitre du Coran et je partis pour Samarcande. Dans un village près de Bokhara, en vraie princesse d'aventure, la femme de Timur s'était cachée, conspirant de son côté, espionnant, ourdissant l'intrigue féminine. Il n'y avait pas, au fond des harems, cœur de dame qui ne battît pour un prince si aimé, pour une princesse si aimante. On se racontait les torts que ce tyran Toukluk faisait à Timur, car du premier coup, il s'était posé en victime, lui, le rebelle. Il repoussait de tout son honneur cette note d'infamie. On l'avait lâchement calomnié. Personne que lui n'était plus dévoué au roi. Mais pouvait-il supporter la vue de l'Église insultée, de la noblesse bafouée, du peuple opprimé? Certes, le sultan reviendrait à la raison et à la justice. Dans les harems, dans les marchés, jusque chez les pauvres paysans, on se disait les malheurs de cette noble princesse, de cette belle jeune femme, petite fille du grand Kasgan, du faiseur de rois, constante épouse de ce vaillant, de ce pieux, de ce généreux seigneur, du Kerigen, du beau Timur. Si le texte et les chroniques ne disent rien de ce sentiment populaire, la légende l'a merveilleusement conservé. Il est nécessaire d'insister sur le roman de jeunesse de Timur. Il crée un type auquel les princes d'Asie, successeurs de Timur, s'efforceront désormais de ressembler. Jusqu'à l'arrivée des Russes, c'est Timur que le chevalier d'aventure asiatique prend pour modèle, confiant dans sa fortune et dans la protection des saints. C'était à Samarcande que les conjurés devaient se réunir. Dans les tribus, 2000 hommes étaient prêts à me suivre dès que je lèverais à Samarcande l'étendard de ma fortune. J'entrai dans la ville par une nuit obscure et je descendis à l'hôtel de Turkan Aka, ma sœur aînée. Pendant 48 jours, caché dans le harem inviolable de la grande dame, Timur combina son coup. Il attendait que sa femme et ses moines eussent achevé, à Bokhara, d'organiser le mouvement clérical, pendant qu'il préparait lui-même la révolution bourgeoise. À la fin, le parti loyaliste se lassa de voir ce proscrit conspirer ouvertement à la barbe des sultans. On menaça de le dénoncer. Les bourgeois prirent peur. Il partit avec la noblesse qu'il avait suivie en ville. Le péril était pressant, je m'évadais, de nuit, avec 50 cavaliers. Une armée, envoyée des marches, approchait à grande journée. Timur prit résolument son parti, en vrai capitaine d'écorcheur. Puisqu'il avait manqué l'occasion, il fallait saisir une province, s'y installer, s'y fortifier, puis revenir à la charge. Avec son tact de politique, il choisit la proie hors de Transoxiane pour ne pas fouler ses futurs sujets et leur épargner les pilleries de ses gentilshommes et de ses routiers. À peine sur le chemin, prit-on quelques centaines de chevaux à des Turcomans et on eut le soin de leur en délivrer reçu. Tous les conjurés réunis, tous les routiers, tous les aventuriers arrivés au rendez-vous, on se jeta bravement en Khorasan, au sud de l'Oxus, puis en Afghanistan, et on employa Kandahar, ville et province, sans autre forme de procès. D'abord, Timur arrondit son domaine. Il lui fallait de l'argent pour payer son train, sa maison, ses routiers. Le gouverneur du Seistan lui offrit de le prendre à sa solde. Mais quand il vit son auxiliaire nanti de 5 châteaux sur 7, il prit l'alarme, bien injustement, assure Timur, et, changeant d'avis, appela ses anciens ennemis à la rescousse contre ses nouveaux alliés. En violant sa parole, il me jetait dans un cruel embarras. Je l'affrontais, je lui livrais bataille. Dans l'action, une flèche me perça le bras, une autre le pied. À la fin, la victoire me resta. C'est de ce coup au pied que Timur demeura boiteux, sa vie durant, et garda le surnom de Askak Timur en turc. Timur Leng, le Stropia en persan, d'où les Occidentaux ont fait Tamerlan. Fin de la section 81.